sur la lune, un sourire au diable. J'ai commis des fautes et j'ai fait face à l'orage. Seul dans la vallée, tant que va durer l'année. Je connais le bruit du charbon, je connais la vie. À tout à l'heure, mon sac est plein de thunes. Salé en civil, c'est pas contre nature. Des fous rires aux larmes, des peines à la joie. Mon flingue me rassure et j'attends que se lève le jour. Sur le rivage, des poteaux sont qui part. Au son des guitares. Sur la dune, porté par le sable, violent donc sanguinolent. Pour gagner à terre, ils veulent voler la terre. Je connais ma tête, je me suis réveillé millionnaire. Des millions d'amis, des millions d'ennemis. T'as tout fait pour y être, on a tout fait pour partir. Je connais ma bande, on va tenir le centre. C'est tout pour la bande, laissez-moi partir. Sur le rivage, mes potos sont qui parlent. Au son des guitares. Je promets ta vie, tout n'est pas plus facile. Si la chance va me sourire, je veux pas tellement savoir. Je portais mon fardeau, je portais mes soucis. Tu sais d'où je viens, c'est hard. Tu n'as qu'à tenir ma main. Les torrents, les avalanches, tant que mon ego va bien. Libre avec les copains, le travail ou les massages. Je repense aux années de mille. Sur le rivage, mes potos sont qui parlent. Où sont des guitares.